Laisse-moi du temps, tu sais la vie ne tient qu'un fil. Celui qui me raccroche à la terre est un peu trop sensible à fleur de peau donc. J'ai la chair de poule quand tu penses que je suis comme les autres alors que j'ai peur de tout. Je leur dois rien du tout, même pas le minimum. Ils se voient comme de grands messieurs, je ne vois que des mini-hommes. Capables du pire comme du meilleur, surtout capables du pire. Incapables d'assumer leurs erreurs perçues comme des pitres. Drôle de point de vue, on pense se connaître, on ne fait que mentir. L'amour est parmi nous, on a du mal à le sentir. Du coup, c'est bel et bien la haine qui prédomine. Ça explique peut-être la boule dans mon abdomen. Est-ce que tu ressens la même chose? Cette envie de faire le vide, c'est un truc qui n'a pas de prix, que j'ai le plus peur de. Alors je cours après des rêves, même si l'espoir me fait du mal. Je cultive l'imaginaire dans le but de prendre le large. À peine un quart de siècle, l'impression d'avoir trop vécu. Je ne veux plus de leur baliverne, je ne veux plus de leurs excuses. La vie n'est pas si rose, elle me procure de la douleur. Et même si souvent le ciel est gris, j'y vois de la couleur. Quand je me mets en scène, une jolie lueur dans vos pupilles. Même si je me détruis quand j'écris celle sur mon pupitre. Du mal à croire qu'avec des mots on pourra changer le monde. Grandir me fait souffrir, alors je garde mon âme de môme. C'est pas si simple, on est tous bloqués dans cet engrenage. On pense avoir du temps mais ce dernier nous nargue. Alors profite de chaque instant, le bonheur est sous tes yeux. Si tu en ressens le besoin, demande de l'aide aux cieux. Ne sois pas pressé, réfléchis car chaque seconde est précieuse. Ne baisse jamais les bras, chaque jour est comme une épreuve. Même si la route est longue, relève la tête et suis tes pleurs. Crois-moi tu sortiras gagnant si tu écoutes ton cœur. Yes. Hein? Les fleurs se fanent, le mal est fait, une balle dans le crâne, l'erreur se paie, les peurs se taisent. Dès lors que le rhum fait plus d'effet, lueur de la fraise, quand même le chrome se fait désirer. Le cœur se fend, pas fait grand chose pour résister, les gorges se vengent, je travaille ma prose pour exister. C'est pas l'envie qui manque dans le verbe aimer, j'ai pas l'antécédent pour l'esquiver. Ouais, les civés, on les tous, laver son linge sale en famille. Laisse filer, j'en découvre, simple grain de sel dans la marmite. Tous timbrés sous la parka, ça vient sordide, ça veut sortir. Dépenser le fric qu'on a pas, les pensées grises qu'on a tous. Fondé pour le flic, je suis là pas, j'ai mes deux pattes pour cela tout. Comme tout pas qu'à son chaco, moi je reste debout dans mon appart, à mon appart, c'est mon atlas. Et souvent c'est la nuit, je dors mal, je me dois de retourner l'appareil. Effacer les peurs de la veille, à ceux qui manquent, ceux qui m'accueillent, les bras ouverts, à ceux qui chantent, 3h du mat, le verre en l'air. La liste est longue, mais je me sens toujours si seul. Un tas de fissures, du mal à me regarder la gueule. Après le silence, chapitre 2, on apprécie l'ambiance, il en faut plus pour être heureux. La suite des fades et sans goût, début du bas dans son gouffre. C'est plus durable, je deviens ouf. Chercher mon but, mon que mon cœur est sous écrou. Tous besoin d'air, on étouffe. Un tas d'ordures, tu verras pas dans les égouts, tout s'essouffle. Encore un soir où je pue la bière, le souffle est court, mais je pars pour allumer la mèche. Un petit feu, fumer ma peste. Satisfait par tes coutumes, tu n'avances pas. Car les deux pieds dans la flaque, souviens-toi, c'est passer le cap et mettre les voiles. C'est toucher du bois, toucher du doigt, ce qui nous appartient. C'est voir des sourires, des gens nous dire, continuer, lâcher rien. Pas pour les thunes, mais pour le plaisir des miens. Dis-moi qui prend soin de l'autre. Entre vacarme et prise de tête, j'ai l'habitude, la plupart cèdent à la médiocrité. Le cœur frigorifié, la masse maker, je les vois éviter les pamphlets pour qu'on leur jette des fleurs.